de me parler de rapidité. T'inquiète, nous t'es max, il est quitté. Là j'ai pris ma part, je suis excité. Toi tu parlais trop, je t'ai évité. On finit à deux comme d'habitude. Depuis petit je mène la vie dure. Même à la maison c'était rude. Et dans les problèmes j'ai l'habitude. J'ai besoin de tes parents. Toi tu penses qu'à toi. Dégage-toi, arrête de faire malade. Moi depuis le quart d'heure, je suis capable. Elle pense qu'on fait la paire, elle veut cohabiter. Il est pété ce fou, il a pété à l'auto. Y'a la police, contrôle d'identité. Ce qu'on me reconnaît pas sur la photo. Policier en bas de chez Yéman. Non, je rentre pas chez moi. Codé en bas de chez Yéman. Non, je rentre pas chez moi. Arrête de me chercher, je suis pas là. Là, je suis en balade. Arrête de me chercher, je suis pas là. Là, je suis en balade. J'ai pris des coups, je les ai rendus. T'inquiète, tiens le budget pour les vendus. Tu m'as dit attends, je t'ai attendu. Je regarde le temps sur la pendule. Je mets la Rolex ou la Casio. Genre les diamants pour occasion. Si je veux je l'achète la location. Passager, je mets Cendrillon. Et regarde notre relation. Ça part en couille comme la nation. Petit cocktail fruit de la passion. Au final je n'ai même plus sa part passion. Et pas là-bas, je suis pas là moi. Je veux que ma part. Blague à part, est-ce qu'il faut dans la part? Policier en bas de chez Yéman. Non, je rentre pas chez moi. Codé en bas de chez Yéman. Non, je rentre pas chez moi. Arrête de me chercher, je suis pas là. Là, je suis en balade. Arrête de me chercher, je suis pas là. Là, je suis en balade. Policier en bas de chez Yéman. Non, je rentre pas chez moi. Codé en bas de chez Yéman. Non, je rentre pas chez moi. Arrête de me chercher, je suis pas là. Là, je suis en balade. Arrête de me chercher, je suis pas là. Là, je suis en balade.